la woon. Li nak ben grand la woon quoi, ak ben mère ak ben jank. Jank bi nak mu ngi tuddu Fatou. Waay grand bi nak day def chaque jour rek manam Fatou ak mère bi ñoy tedduma. Après buñu teddé rek Fatou moy dem ci jëlëk bi, mère bi tedd ci kanam. Saay nak grand bi nak moy géré Fatou. Buñu teddé ba guddi Fatou ubi fenêtre bi, grand bi jaar ci ñew japp Fatou dori dal ba dem dal di dem mu diko def ba un jour mère bi joom te du jaginaaw bi mère bi jaginaaw Fatou ci kanam sa way waji ñew fekk mère ginaaw mu ñew japp mère bi di dori dal jog di dem ne ko wa Fatou merci way mère ne ko billahi Fatou mami Fatou ay dom ci mbul Fatou faire du neer wa ye mère mami Fatou way jëmban nga sa rogi